Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler de football. On sait qu'on a une chronique à toutes les semaines pour parler des Gaillards de Jonquière, également des Cougars de Chicoutimi, des joueurs de Joliette qui évoluent dans le circuit collégial. Et là, on va parler avec un joueur des Cougars de Chicoutimi, Maxime Gay. Question de savoir un peu comment ça va sa saison. On lui parle. Salut, Maxime. Salut. Maxime, comment ça va ta saison actuellement avec les Cougars? Pour l'instant, ça va quand même bien. Ah, c'est ma première année. C'est sûr que j'ai quelque chose à apprendre, mais pour l'instant, okay. Je suis très satisfait de mes performances. Okay. Puis en fait, l'équipe aussi, ça va bien. OK. Si on parlait un peu, quelle position tu joues? Je joue demi-défensif. OK. Ça, c'est une position quand même intéressante. Est-ce que tu joues de façon régulière avec l'équipe? Depuis deux games, je suis partant. Ou sinon, au début de la saison, c'était quand même dur, j'étais première année. Mais de ce temps-ci, ça va quand même bien, ouais. Je commence les parties. OK. Si on parlait un peu de ton de l'année avec les Cougars, est-ce que l'adaptation a été difficile? Parce que c'était ta première année, donc certainement que... Tu viens de où d'abord? Tu viens de Repentigny ou de Dolbeau? J'ai pas compris. De quel endroit tu viens? Ah, je viens de Saint-Félicien. OK, tu viens de Saint-Félicien, donc... Si on parlait un peu de ton adaptation, est-ce que ça a été difficile pour toi d'évoluer avec les Cougars, la vitesse, l'exécution, et ainsi de suite? Comment tu as trouvé cette adaptation-là? Parce que c'est un autre niveau, là. Oui, c'est sûr, le niveau est plus élevé. Hein. Mais les premières semaines, c'était rough un peu, parce que j'étais pas très habitué à ce qu'elle est là, mais à force de se pratiquer, puis tout... Mon corps, il s'habitue, puis là, ça va quand même bien. OK. Puis comment tu as trouvé ça? C'est ta première année, j'imagine, au cégep de Chicoutimi aussi? Oui. OK. Comment tu as trouvé ça, jauger tout ça, partir de la maison, partir également de l'entraînement de football? Parce que ça demande beaucoup, là. Tu sais, c'est de l'école, c'est des études, c'est le football. Comment tu as trouvé ça, tout ensemble, tout ça? Ah, c'est sûr que c'est très dur pour le corps, mais c'est comme une routine, là. Tu t'habitues après chaque soir. Moi, je finis mes cours tout le temps à 5h15, puis après, tu commences vers 6h. Il faut que je me fasse une petite routine. Je fais mes devoirs le soir, puis tout va bien. Les premières semaines, c'est dur un peu. Puis, à la fin, c'est comme normal, là. Okay. Aussi, c'est dur aussi loin de chez nous, mais j'ai pas le choix pour... faire mes études, puis si je veux faire ma passion aussi. Ben, OK. Dans les Génois d'Alma, du côté des... Pas des Génois d'Alma, mais du côté du universitaire, est-ce que tu vises une carrière universitaire au football? Pour l'instant, je suis complètement... je sais pas partout, ben franchement. OK. Ça dépend de mes études, si je veux continuer à l'université, sinon ça m'intéressera peut-être un peu, ouais. OK, OK. Ben, Maxime, félicitations encore une fois pour ton année. C'est pas nécessairement facile de jauger tout ça, le football et également les études. Mais on va sûrement avoir le plaisir de se reparler un autre tantôt. C'est bon, merci. Des Cougars de Chicoutimi, Maxime Gay.